Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis Lia et comme tous les lundis à midi, je suis en direct avec toi pour mon plus grand plaisir et j'espère aussi pour le tien. Et oui, je t'accueille dans cette émission L'Odeur du Son. Nous avons passé une heure ensemble. Je t'en prie, installe-toi confortablement. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui dans tes oreilles? Eh bien, c'est simple. Je ferai le relais de quelques infos locales, te jouerai mes disques chouchous et bien sûr l'essentiel, et c'est peu de le dire, j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Stéphane de Wasabi Productions. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Lia. Ça va? Ça va très bien, merci. Moi je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo pour discuter avec vous. On va discuter ensemble du court-métrage Retour aux sources, tourné exclusivement dans nos belles Vosges, avec d'ailleurs un tournage tout frais car il... entre guillemets, il vient de se terminer, mais j'ai une petite info en off, mais je vais vous laisser le dire. Oui, alors effectivement, le tournage s'est terminé officiellement samedi soir, mais avec un départ des comédiens de l'équipe hier, et un tournage qui, du fait de la météo assez peu commune du mois de mai, qui nous a retardé, et donc on a un jour de tournage qui a été annulé, et on l'a reporté pour revenir avec grand plaisir dans nos belles Vosges le 23 ou le 24 juin. D'accord, merci beaucoup pour ces infos. Alors, brièvement, mais bon, quand même, Wasabi Productions, c'est une société de production audiovisuelle située à Épinal. Depuis quand? Alors, j'ai créé la société en 2015. Moi, j'ai vécu 6 ans au Canada. J'ai commencé la production du visuel très tardivement dans la fin de mon séjour au Canada. Et en rentrant dans les Vosges, j'ai eu quelques opportunités de travail dans ce milieu qui m'ont amené à réaliser un premier film avec une société de production installée à Épinal. Et j'ai pu ensuite monter ma société pour réaliser d'autres films, ce qui m'a lancé dans le milieu. Et puis j'ai enchaîné aussi avec pas mal de clients importants au niveau film d'entreprise. Donc voilà, ça fait 6 ans cette année qu'on est basé à Épinal. Super. Alors vous produisez donc aujourd'hui Retour aux sources, le premier court-métrage écrit et réalisé par Fabrice Chaboissier, originaire de Nancy et ayant passé beaucoup de temps dans les Vosges, je cite, depuis son plus jeune âge. Ce choix de tourner dans les Vosges n'est donc pas anodin du tout. Est-ce que vous connaissiez déjà ce réalisateur avant de travailler avec lui? Alors pas du tout, en fait c'était un heureux concours de circonstances puisque c'est Barbara Zaborni de l'association Antoinette Productions, qui est une petite association de production du visuel basée à Épinal également, au quartier de la Magdeleine, qui nous a mis en contact. Et puis c'était un soir finalement assez tard, vers 22h, on s'est appelé et on a tout de suite sympathisé. Son histoire correspondait un peu à la mienne, puisque après moi, mon exil entre guillemets à moi canadien, je me suis réinstallé à Épinal, donc c'était mon propre retour aux sources. Et on a eu beaucoup d'affinités très vite avec Fabrice, qui nous a permis de vite structurer un projet. Et moi je lui ai offert ma capacité de société de production à structurer financièrement et de façon plus, je dirais, homogène le dossier, et ça s'est fait comme ça. Super. Alors, avant tout, j'ai envie de planter le décor pour nos auditeurs avec ce synopsis. C'est parti. À la suite d'une terrible révélation le jour de son 18e anniversaire, Charlie quitte sa région natale précipitamment et fuit tout ce qu'elle aimait sans donner d'explication. 15 ans après, son père décède et Charlie héritera de tous ses biens, mais à une seule condition: jouer au jeu de piste que son père lui a préparé, qui va la reconnecter petit à petit avec son passé. Waouh, quelle ambiance quand même! Oui, c'est assez intense, c'est une très belle histoire. En plus, on a eu la chance d'avoir un très beau casting pour jouer et raconter cette histoire. Et en plus, les décors vosgiens s'y prêtent très très bien. Et voilà, on est... on est assez content de pouvoir raconter cette histoire ici sur le territoire. Et puis au niveau du casting, donc l'actrice principale qui est Virgilia Giambruno, qui est quand même une petite pointure aussi, qui a une école d'actrice à Paris, qui a un jeu assez assez intense. On était très bien entourés. Et puis tout le casting était, toute l'équipe, tout le monde était. C'était une vraie aventure humaine. On était tous à 100% pendant cette semaine. C'était vraiment superbe. On va en parler tout au long de cette émission. Mais si vous, Stéphane, vous deviez poser l'ambiance avec vos mots, l'ambiance du scénario ou l'ambiance du tournage, parce que là c'est différent. L'ambiance du scénario pour commencer. D'accord. L'ambiance du scénario, moi je trouve que c'est une histoire je dirais d'une intensité particulière, puisque ça, on parle d'un drame et d'un exil pour un retour aux sources. Cependant, ça reste un film assez contemplatif et poétique aussi sur d'une certaine façon, puisque c'est l'histoire d'un papa finalement qui regrette vraiment que sa fille se soit éloignée et qui cherche après son décès à la faire renouer des liens avec son passé. Mais donc son passé, c'est par ses anciens amis et c'est aussi par son lieu de vie, quoi. Donc c'est assez touchant, oui. Merci. Charlie, adulte, est incarné par Aurore Célier, c'est ça? Vous m'avez dit Aurore Célier, elle joue Charlie? Oui. Non, Aurore Célier, c'est un second rôle. Ok. C'était Mélanie. Ok. Mais Aurore Célier, effectivement, a pris un beau second rôle. Et puis, on était très contents de la faire jouer, puisque Aurore est Vosgienne, est ambassadrice Je vois l'avion oui, rouge. C'est vrai. Et aussi, finalement, est une Vosgienne qui est partie s'installer à Paris. Donc, il y avait des petits parallèles intéressants. Et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir, quand elle le peut, en tout cas par son activité professionnelle ou en tout cas ses loisirs, revenir se ressourcer justement dans les Vosges. Les autres acteurs sont aussi de grands professionnels, vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'on peut les citer? Bien sûr, alors on va terminer par le dernier là qui a joué, c'était Florian Essic, qui a d'ailleurs lui fait son premier court-métrage qui va sortir le 9 juin en salle. Oui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré là samedi et dimanche, assez fabuleux aussi, d'une gentillesse extraordinaire. Il a je crois plus de 35 000 abonnés sur Instagram, donc c'est une petite étoile montante là. Je pense qu'on va en entendre parler régulièrement. Donc je parlais de Virgilia tout à l'heure, qui m'a passionné sur plusieurs points, parce que c'est la première fois que je vois en vrai une vraie actrice qui est capable de déclencher des larmes et de les arrêter quand elle le veut. Oui. Ouais, donc c'est impressionnant. Ça c'est très impressionnant. On a eu Karine Lima aussi qui a fait beaucoup de télé par le passé, qui nous a offert l'opportunité de tourner une journée avec elle. Laurence Roustanji, qui était Miss Météo à M6, qui présente des émissions culinaires pour France Télévisions, qui est venue faire une scène sur une journée, mais qui nous a accompagnés pendant 3 jours, qui fait de la comédie aussi, qui fait du théâtre, tout un milieu vraiment superbe, donc aux fameuses Aurore. Et puis, on a réussi aussi à intégrer la fille de Fabrice, qui est une jeune petite étoile montante aussi, puisqu'elle a tourné son propre coup. Elle était l'héroïne d'un court-métrage il y a quelques temps et qui là nous a offert une belle prestation de scène aussi samedi. C'est chouette tout ça. C'est une belle histoire. Super. Alors vous en parliez tout à l'heure de votre ressource à vous aussi après cet exil au Canada. Outre cet effet miroir, si je puis m'exprimer ainsi, qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans ce projet? À quel moment vous vous êtes dit « d'accord, je vais produire ce court-métrage » Eh ben, pour plusieurs raisons, puisque déjà c'est le premier film de Fabrice, mais la première fiction, mais nous aussi c'est notre première opportunité de faire une fiction, donc forcément c'était un challenge qui m'a tout de suite plu. Et puis je me suis dit ça va être une belle aventure, ça va être une occasion de structurer une nouvelle activité. Et puis moi je suis aussi un grand fan de cinéma, je suis un grand fan de tournage, donc je me suis dit ça sera vraiment révélateur aussi de voir si c'est quelque chose qui me plaît et puis si c'est quelque chose qu'on va vouloir faire par la suite aussi. Ok, super. Il y a tellement de choses à dire, mais avant de se lancer à corps et à cœur perdu dans ce magnifique projet Retour aux Sources, un court-métrage donc réalisé dans les Vosges, tu l'auras bien compris auditeur, je vais lancer mes premiers disques chouchou ambiance vintage pour cette première saison avec Killing Joke pour Love Like Blood, et on suivra avec Duke Dumont pour Ocean Drive. Voilà, c'est tout de suite sur Radio Gémozo. Yeah. toujours sur Radio Gémozo. J'espère que vous passez un bon moment. Ça va, Stéphane ? Ça va toujours. Allez, on passe vers la petite info locale du moment. Alors, le Centre social de Remiremont organise une conférence débat en visio demain, mardi 18 mai, de 20h30 à 22h, sur le thème « Éduquer ses enfants sans préjugés de genre ». Cette rencontre, animée par l'association Artemisia, s'intègre dans les manifestations du réseau Petite Enfance de Remiremont. Elle traitera notamment des questions suivantes : l'égalité hommes-femmes, filles-garçons, comment se créent les différences entre les filles et les garçons, pourquoi et comment agir en tant que parent ou professionnel de l'enfance. Voilà, pour s'inscrire, c'est simple. Il suffit d'envoyer un mail au plus tard aujourd'hui à réseau-petite-enfance-remiremont@gmail.com. Le lien visio sera communiqué par mail après l'inscription. Voilà pour cette chouette initiative. Retour à nos moutons, Stéphane. On parlait au début de cette émission de l'ambiance particulière qui se dégage du court-métrage. Et le réalisateur Fabrice Chaboisier a eu envie de proposer un mélange, vous le disiez, un petit peu un poétique, je cite, oscillant entre le film contemplatif, le drame et le Rain Movie. Combien de temps a duré ce court-métrage ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelques jours. Vous voulez dire le tournage ? Oui. Oui, ça a duré 5 jours, donc okay. De mardi à samedi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu un temps qui nous a pas vraiment aidé, donc on va, on va ajouter une 6e journée au mois de juin. Oui. Donc toute l'équipe est ravie de revenir dans les Vosges parce que bon, ils ont trouvé le coin quand même très beau et je les en remercie. Mais donc voilà, c'était 5 jours d'une intensité particulière parce que c'est quelque chose. Voilà, c'était un premier film donc pour le réalisateur qui a fallu qu'il prenne ses marques. Nous, on accompagnait ce film aussi dans ce même état d'esprit. Et puis très très rapidement, s'est créé un vrai esprit d'équipe. Donc ces 5 jours ont été enrichissants humainement. C'était une vraie aventure humaine, technique, des challenges au quotidien à relever. Donc c'était fabuleux. Super. Alors pour combien de temps justement à l'image, combien de temps il y aura de visionnage ? Alors là, il est prévu que ce film dure 17 minutes. Et ouais. Donc on s'approche quand même presque du moyen métrage. Voilà, on va voir parce que au niveau du script aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui s'étaient rajoutées. Donc on va essayer de tenir sur les 17 minutes qui étaient convenues dès le départ. D'accord. Mais moyen métrage, ça existe ça ? Oui. Alors c'est un peu plutôt dans le jargon, mais ça reste du court métrage dès que c'est en dessous de 60 minutes quoi qu'il arrive. Ok, d'accord. Voilà. Merci pour ces précisions. On va devenir de vrais professionnels grâce à vous. Est-ce qu'il y a un message ? Bon, alors c'est une question rhétorique, mais je suppose à travers ces images, c'est quoi le véritable message de ce court-métrage ? Je pense que c'est un message qui parle de, enfin qui pourrait transmettre le fait que même quand il arrive un coup dur dans la vie et qu'on cherche à l'éviter, invariablement le passé nous rattrape, mais il vaut peut-être mieux le faire avec une certaine bienveillance ou avec des gens autour de nous qui sont bienveillants. Et voilà, renouer avec ce passé peut être intéressant parce que ça aide à progresser. Et puis c'est ce qui est drôle, c'est que cette bienveillance là, on l'a retrouvée tous entre nous là pendant le tournage. Dès qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, il y avait toujours quelqu'un pour nous soutenir ou nous rassurer, parce que ça questionne beaucoup aussi. Voilà, la fiction a rejoint la réalité. Exactement, c'est beau ce que vous dites là. Alors Stéphane, à travers ce court métrage Retour aux sources, il y a aussi cette dimension de mettre en avant le patrimoine vosgien. C'était une vraie volonté pour moi, effectivement. On le voit de toute façon, hein, les Vosges sont un vrai territoire de tournage, une vraie terre tournage. Il y a de plus en plus de tournages qui se créent tout le temps. Et comme je disais tout à l'heure aussi, maintenant il y a des structures pour accueillir ces tournages. Je parle de sociétés de production, évidemment. À Épinal, il y en a quelques-unes. La nôtre en fait partie aussi maintenant. Et les Vosges, voilà. Moi, je suis parti au Canada, je suis rentré ici, j'ai retrouvé parfois les mêmes paysages. Donc moi, je suis un vrai fan du massif. J'y suis dès que je peux. En hiver, je fais de la raquette. En été, je fais de la rando. Je suis télépilote de drone, donc je fais des images en drone aussi. Voilà, c'est un régal pour moi. Donc, c'était immanquable qu'on vienne faire ce film-là. Et de toute façon, c'était la volonté du réalisateur aussi. Génial. Alors, on passe aux quatre coins des Vosges. Où exactement est-ce qu'on peut le dire ? Alors oui, on peut le dire. On était principalement à La Bresse et Gérardmer. D'ailleurs, je tenais à remercier ces deux municipalités qui nous ont accueillis les bras ouverts. Et voilà, qui nous ont apporté leur soutien logistique. Donc la Bresse, Gérardmer, on allait faire un tour du côté de Fontenoy-le-Château également. Oui. On avait une journée de tournage à Épinal. Au restaurant chez Nono. À Fontenoy-le-Château, c'était au Cabinet Curieux, qui est un lieu de tournage complètement incroyable. C'est génial. Ouais. D'ailleurs, Eric Cantona était venu tourner là-bas dans sa dernière production. Ouais. D'accord. Ah ben dis donc, que de belles choses. Est-ce qu'il y a eu des repérages de faits? Oui, le réalisateur était venu avec l'assistante réale et moi-même, hein, puisque moi, c'était plus facile pour moi. Oui. Mais oui, il y avait des repérages qui ont été faits. C'est une étape qui est nécessaire et invariable à chaque tournage. Donc ça nous a permis de découvrir des belles choses. Et puis notamment, on a une scène finale qui sera tournée au lac des Corbeaux à la Bresse, qu'on va donc tourner au mois de juin. Là, je pense qu'on va essayer d'avoir une meilleure météo. C'était l'idée d'avoir une belle lumière. Super. Est-ce que vous avez eu des indications pour les lieux? Comment ça s'est passé? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va tourner là parce qu'on a envie? On a, pour la petite histoire d'ailleurs, c'est cette demande du réalisateur qui avait mis un message Facebook qui recherchait un lieu un peu atypique dans les Vosges. Donc c'est pour ça qu'on a identifié le Cabinet Curieux par l'aide de plusieurs personnes. D'accord. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Pour le reste, le réalisateur ayant passé pas mal de temps depuis son enfance dans le massif avait déjà certaines idées des lieux de tournage. Et puis après, on a aussi identifié des partenaires, parce qu'il y a des entreprises qui nous ont soutenus financièrement et nous ont proposé spontanément de venir tourner quelques scènes chez eux. Donc on a été accueillis là aussi. Moi j'étais assez surpris, cet esprit de... J'ai envie d'appeler ça l'esprit d'entraide vosgien. Donc voilà. Esprit chauvin. C'est ça. Non, chauvin je dirais pas, mais... C'est trop extrême. Une petite fierté, ouais, quand même, du territoire et du savoir-faire, en tout cas. C'est vrai. Et Gérardmer, c'est vraiment... une terre de tournage là-bas. Est-ce que vous avez été accompagné par des professionnels peut-être? Des professionnels non, mais en tout cas l'équipe municipale nous a beaucoup soutenus. Ils nous ont permis de fermer un pan de rue place à Belle-Ferry devant chez Mémé, puisqu'on a tourné chez Mémé, la fameuse institution immanquable et incontournable de Gérardmer. Ils nous ont ouvert un espace pour qu'on puisse se restaurer le midi, puisque en ce moment c'est compliqué, ils nous ont évité de manger dehors, donc c'est formidable. Le maire de Gérardmer me répondait par SMS le soir pour me donner des infos. Enfin, c'était un vrai soutien. Et pareil, ce matin, j'ai eu la mairie de la Bresse qui m'a appelé pour savoir comment ça s'était passé. Moi, j'étais très agréablement surpris. Super. Alors, vous avez assisté au tournage. C'était une première pour vous. Est-ce que vous avez assisté à toutes les scènes? Alors, je dirais que j'ai même plus qu'assisté, j'ai vécu les scènes dans tous les sens du terme. Ah ouais, c'était... Vous avez pleuré? Non, mais en tant que producteur, c'est une vraie implication, oui. Et puis j'ai aidé à faire... je me suis retrouvé dans une position assez inconfortable à un moment donné, couché par terre avec des bâtons d'encens pour faire un peu d'ambiance fumée. C'est super. Ouais, non, c'était drôle. Mais parce que bon, comme moi je suis réalisateur aussi à l'origine et puis que j'ai commencé comme cadreur, je sais ce que c'est aussi. Donc dès l'instant où je pouvais mettre la main à la pâte, je le faisais. Mais oui, je les ai vécus donc de plein de façons, parce que dans l'application de producteur, dans faisant un peu de technique, et puis aussi en termes de soutien aux réalisateurs pour réfléchir à plein de choses. Et puis voilà, moi je l'ai vécu comme ça, et c'était, comme je disais, une vraie aventure humaine aussi, principalement. Ça vous a donné envie de repasser du côté réalisateur ou pas? Je l'ai jamais vraiment quitté, mais en tout cas, ça donne plutôt envie de se dire que la fiction, c'est quand même quelque chose de très exigeant, mais de tellement passionnant que peut-être on va réfléchir à d'autres projets de films. Ah, ben voilà. Voilà. Alors, j'ai une question qui me fait vraiment rêver. Comment c'est dans les coulisses d'un tournage? Comment ça se passe? Ça se passe très mal. Est-ce que, par exemple, les scènes sont minutées? Est-ce qu'on dit, voilà, de c'est minuté. Alors, pour ça, justement, on avait une assistante réalisateur qui était exceptionnelle, je reste abasourdi par son travail. Effectivement, elle nous a tout préparé à la minute près, elle nous a minuté tout ça. Ce qu'on n'imagine pas, c'est le temps de préparation. Donc, que ce soit l'habillage, maquillage des comédiens. Donc, ça prend beaucoup de temps. La prépa technique prend. Il y a généralement, il faut compter une heure et demie, voire deux heures de préparation avant de commencer. Donc, d'accord. C'est des journées qui peuvent être très, très longues et qui sont intenses techniquement parlant, effectivement. Donc, on a de la lumière. Enfin, il y a un chef électro qui fait la lumière, il y a un cadreur, il y a un pointeur. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'occupe simplement de faire le point sur la vidéo quand la caméra bouge, avec des équipements qui nous permettent de faire ça à distance. Il y a le son qui est hyper important, notamment en fiction. Là, c'est pareil, Michel, notre ingé son, je ne sais pas si tu m'écouteras à un moment donné, mais tu m'as fait halluciner chaque jour. Voilà, mais tout le monde était à 100%, c'était exceptionnel. C'est super. Alors, quel est votre rôle à vous dans cette aventure? Parce que nous, on ne sait pas trop faire la différence entre tout ça. Vous budgétez? Alors oui, entre autres. C'est vrai que ça reste des fois compliqué à comprendre. En tant que producteur, en fait, on s'engage juridiquement, financièrement, on structure le projet, on fait des plans de financement, des devis, on se charge de déposer des dossiers de demande aussi d'aide à la région, département, chercher des partenaires, et puis après, c'est toutes ces questions juridiques, assurance, organisation logistique. J'avais une assistante de production aussi qui était du coin là, qui nous a beaucoup aidé. C'est toute une gamie qui se met en place et qui prend du temps. Je vous avoue qu'avec le réalisateur également, on y a passé des nuits entières à préparer ça. Surtout que ça fait très très vite, puisque le tournage était prévu déjà au mois de mai, et avec le réalisateur on s'est parlé fin février, donc on a fait un boulot qui est quand même plutôt rare de monter ça aussi vite et comme on l'a fait, quoi. Mais justement, ça a pris combien de temps entre l'idée de départ et cette finalité? Alors, l'idée de départ, je ne pourrais pas vous le dire, puisque je pense que Fabrice, là, depuis, il est habité par cette idée depuis de longues années. Mais nous, en tout cas, pour mon expérience à moi, c'était fin février jusqu'à structurer le projet jusqu'à une semaine avant la fin, enfin jusqu'à une semaine précédant le tournage, puisqu'on a eu la chance en plus d'avoir un diffuseur télé, qui le RTGE, qui nous a tout de suite dit qu'il souhaitait diffuser le film, ce qui nous a permis de décrocher le CNC. Donc on a quand même un court métrage qui est aidé par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, ce qui est quand même plutôt rare. Donc on est très heureux de ça. On a fait des demandes de dépôt aussi d'aide à la région et au département. Et voilà. Justement, l'objectif, il est d'inscrire aussi Retour aux Sources dans des festivals et de le diffuser à la télévision. Tout à fait. Donc, un court-métrage, de toute façon, a plusieurs vies. Et le plus souvent, ce sont les festivals ou en projection en salle. Là, comme je vous dis, on a quand même la chance d'avoir un diffuseur télé en plus, donc qui le diffusera. Et après, on va tout faire pour le distribuer en salle. Super, on a hâte de voir ça. Combien de temps cette fois-ci entre la capture donc de ces images d'il y a quelques jours à la finalité totale? Alors du coup, on va prendre un tout petit peu de retard sur la post-production puisqu'on retourne mi-juin, mais tout dépend aussi de la volonté du producteur ou du réalisateur, s'il a besoin un peu de recul. Il y a tout un travail le travail de script aussi qui va être repris, qui va être relu. Il faut repenser un peu à tout ça, mais généralement on essaye d'enchaîner assez vite le montage, puisque dans la post-production, comme on appelle ça, il y a le temps de montage, ensuite il y a de l'étalonnage, il y a du mixage son, il y a de la conformation, enfin des termes techniques assez compliqués comme ça, mais voilà, ça peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois selon les productions. D'accord. On est ravis de faire un tour comme ça du côté obscur du film. C'est vraiment génial en tout cas. Moi je suis passionnée, je suis certain que nos auditeurs le sont aussi. C'est le moment où je te sors mes prochains disques chouchou, auditeurs. Bienvenue dans l'ambiance surréaliste de Dead Can Dance avec leur titre Dance of the Bacchants. Mais tout de suite, rendez-vous avec la voix incroyable de Anwer. Alors je ne sais pas si je prononce bien ce prénom, avec son titre Oh I Can I Do. À tout de suite sur Radio Guémezo, surtout ne bouge pas. It has been a million times they've tried to explain to you, show you that I feel something strong and special too. And if I'm alive today, it's only and exclusively for you, 'cause I got nothing more precious and there's no one more beautiful. I'm your man, I'm your fan. Without you I'm struggling. I'm your boy, I'm your toy. I'm a slave to your loving. Without you I'm nothing. less than a rock, a stone, weightlessness, inert and lost in the universe. So how can I do? Can't you believe? Apologize. I spend nights awake waiting for the mornings to meet you, and I'm still keeping your picture on my wall. Can Dance. Bienvenue dans cette ambiance incroyable. Ça vous a plu, Stéphane? Ah, moi j'adore. J'adore. Alors, la perche est toute trouvée avec cette nouvelle info locale, car on parle là de musique cette fois-ci avec un nouveau numéro de Souris Live jeudi 27 mai. C'est très très prochainement à 19h. Une émission concert en direct, toujours en streaming, à visionner sur la page Facebook et la chaîne YouTube de La Souris Verte. La particularité cette fois-ci, eh bien, c'est qu'elle peut accueillir également du public. Le nombre de places est tout de même très limité. La réservation est gratuite. Il te suffit, auditeur, de prendre une place via leur billetterie en ligne sur leur site internet www.lasourisverte-epinal.fr. L'équipe de La Souris Verte accueillera cette fois-ci Mes souliers sont rouges. Est-ce que vous connaissez, Stéphane? Non. C'est de la chanson française, voilà. Ils viennent juste de sortir de quelques jours de résidence pour quelques morceaux alléchants, mais qui reviendront jouer voilà, très prochainement en 2022, leur set entier avec beaucoup plus de public, ils l'espèrent. Et nous aussi. Allez, on continue sur cette belle foulée musicale avec la musique originale du court-métrage Retour aux sources dont nous parlons aujourd'hui, tu l'as bien compris, auditeur, et qui sera composée intégralement par Mathieu Wilbert. C'est ça. J'ai voulu trouver des sons de Mathieu Wilbert, mais je n'ai pas trouvé. Non. Alors, ben, Mathieu, moi, je ne le connaissais pas. Par contre, j'ai entendu des maquettes du film, oui. Donc ça va être totalement dans l'ambiance. On a essayé de poser... quelques images du lac des Corbeaux déjà sur ces musiques-là en pré-maquette, et je trouve que ça fonctionne excellemment bien. Par contre, là, je vous avoue que j'ai pas trop le droit d'en parler. D'accord. Encore. On va pas tout dévoiler, mais effectivement, ça va être quelque chose de très ambianceux, comme on dit dans le jargon. C'est un vrai travail aussi d'affinité entre le réalisateur et Mathieu, qui se connaissent très bien. D'accord. Et moi, j'ai très très hâte de découvrir la suite. Donc, les musiques existent déjà? Pas toutes, non. Pas toutes. Elles ont sous forme de maquettes. Il y a encore de la recherche qui va être faite aussi par rapport à ce qu'on aura filmé. Évidemment, ce sont des ajustements qui vont être faits au fur et à mesure. Mais là aussi, c'est assez génial de pouvoir travailler avec un compositeur sur cette musique, sur ce film. Pardon. Une vraie équipe de professionnels, en fait. Hein. On va le dire comme ça. Il n'y a pas du tout d'amateurs, justement, dans ce court-métrage. Hein. Non, ouais, on a réuni une équipe. Et puis, je pense que pour un premier film, justement, il fallait être vraiment au top. Notre chef opérateur, donc celui qui cadre le film, il y a un réalisateur qui notamment réalise des films, enfin les magazines Échappée Belle par exemple. Ah oui. Oui, il a déjà fait plusieurs choses aussi. Voilà, toute l'équipe technique était vraiment, enfin moi, hyper pointue. Même moi, c'est pas humble du tout ce que je dis, mais enfin j'ai appris énormément à leur côté toute la semaine. Mais ils sont combien dans cette équipe technique? Là, on était une quinzaine de personnes, et encore, on était en... Enfin, ça peut atteindre 30-40 personnes selon les budgets du film. D'accord. Il y a aussi un petit clin d'œil que je voulais faire à Dorian, dont j'ai découvert le métier, donc le fameux métier de script, moi qui m'a passionné, parce que c'est un travail de fourmi, d'un conseil et puis d'un suivi de chaque instant, et c'est assez impressionnant de voir ça travailler, enfin de voir ce métier-là travailler comme ça. Mais oui, moi ça me donne vraiment envie de rentrer dans cette ambiance. Oui. Est-ce que vous accueillez des gens parfois pour regarder Oui, on a eu. Ben écoutez, on a eu quelques partenaires qui nous avaient aidés financièrement, donc des entreprises du coin qu'on avait invitées sur le tournage et qui spontanément nous ont demandé de venir. C'est vrai que ça fascine tout le monde. Hein, quand on a tourné à Gérardmer chez Mémé sur les scènes extérieures sur la place, on avait un gros dispositif à ce moment-là, et c'est incroyable. Tout de suite, les gens s'arrêtent. Ils étaient sur les bancs, ils sont restés là pendant une heure, il se passait rien. Parce que c'est un tournage, il y a beaucoup d'attentes. Mais voilà, chaque fois, effectivement, ça attire un peu les gens. Ben oui, c'est normal. Alors, on parle des partenaires, la perche est tendue une nouvelle fois. Qui a été partenaire sur ce projet? Alors, justement, il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai été assez surpris de cet élan de solidarité, en tout cas d'implication. On a par exemple la confiserie des Hauts-de-Vosges, oui, chez qui on a tourné aussi une séquence qui a répondu présente tout de suite, avec Fabienne Picard, qui était d'une gentillesse et d'un accueil incroyable. On a la, alors j'arrive jamais à le prononcer, mais la papeterie d'Arche Alstrom-Munchko. Je m'excuse auprès d'eux. J'ai essayé de répéter, mais je n'y arrive pas. Pareil, qui nous ont prêter des archives aussi, des bouquins pour faire de la déco et qui ont été un partenaire financier très important. La charcuterie Pierre Autoli qui nous a accueillis en tournage et qui nous a soutenus aussi. Je vais en oublier, c'est sûr, et je vais m'en vouloir. L'hôtel Chalet Le Collet avec Olivier Lapôtre qui avait hâte de réouvrir et qui a mis un message d'ailleurs sur Facebook qui nous a beaucoup touché. C'était un peu de lumière dans nos locaux en attendant la réouverture. Enfin voilà, chez Mémé évidemment que j'ai cité tout à l'heure. Si je tenais aussi vraiment à la fromagerie Bon Grain Gérard au Toli avec Eric Braun qui est venu sur le tournage, qui nous a même gâté en nous amenant un peu de fromage pour faire une petite dégustation le soir, et qui lui s'est révélé aussi passionné par ce qu'il voyait. Donc voilà, je vais en oublier, mais je les remercie tous. Pardon. On les embrasse tous. Voilà. Alors nous aussi, on peut participer car il existe une campagne sur Hello Asso pour récolter des fonds. On y retrouve vraiment beaucoup d'infos d'ailleurs sur le projet. Hein. Cette campagne, elle est encore en cours pendant quelques jours. Oui, on va la restructurer aussi et on va l'affiner. Et ça, c'est vrai que bon, moi je le vois dans tous les courts-métrages, dans beaucoup de projets audiovisuels, c'est une partie importante du financement d'un film. Et étant donné qu'en plus on va avoir une journée de tournage de prévu en plus, on va relancer la campagne. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on compte beaucoup aussi. Mais oui. Et bien moi j'ai participé car pour 15€, nous avons quand même le grand honneur de voir notre nom crédité sur le générique du court-métrage. Et ça, c'est quand même la classe. Alors d'autres participations sont possibles, bien entendu, avec d'autres contreparties selon le montant. On vous laisse aller voir ça sur la plateforme Hello Asso. Si l'on souhaite vous suivre sur les réseaux, est-ce que c'est possible de suivre un petit peu l'avancée qui fait partie de l'équipe? Alors il y a une page, notre page Wasabi Productions Audiovisuelle, donc ça c'est la plus facile à trouver, mais on a essayé de créer une page pour le film, qui est la page Retour aux Sources, oui. Le film. On a fait pas mal de publications sur Instagram aussi tout au long de la semaine, et puis on va tenir tout le monde au courant au fur et à mesure de publications sur Facebook également. Ok, super. Voilà. On peut apercevoir sur la page Facebook l'affiche. Oui, tout à fait. Qui s'est occupé de ça? C'est très beau. Alors, il y a Fabrice et Jean-Yves, un ami de Fabrice, oui. Et ça, je sais que ça a beaucoup plu, notamment dans les gens qui recevaient le dossier. Ça met tout de suite un peu dans l'ambiance, j'ai envie de dire. Ouais, oui, c'est vrai. C'est assez parlant, ouais. C'est vrai. Ça montre un peu la lumière et ce que souhaitait faire Fabrice au départ. Voilà, c'est très il voulait filmer en lumière réelle, mais on lui a déconseillé de le faire tout le temps quand même. C'est vrai. Est-ce qu'il y aura une avant-première et quand elle aura lieu? Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire encore. D'accord. Parce que comme on a été un peu retardé et puis qu'on ne sait pas exactement quand ça va sortir, mais ça on le communiquera et puis on reviendra en parler ici. Ah bah voilà, c'est une bonne nouvelle ça. Est-ce que nous, en tant que public lambda, on pourra visionner Retour aux Sources? Forcément peut-être à la télé. Voilà, sur les chaînes qui le passeront. Ensuite, on ne va pas forcément le diffuser sur les réseaux sociaux ou sur Internet puisqu'on veut le faire vivre en festival. Oui. Donc pour l'instant, la stratégie de diffusion, elle va être établie autour du diffuseur télé et après sur les festivals ou éventuellement en salle. Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour les festivals? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement des festivals qu'on en a identifié quelques-uns qui seront incontournables, mais la liste n'est pas encore définitive, donc on la D'accord. communiquera plus tard. D'accord. Quels sont vos projets, Stéphane, à venir? Vaste sujet. J'ai commencé hier, mais j'ai pas réussi encore tout à fait. On était encore trop sur l'excitation de fin de tournage là. Mais les projets pour nous, ils restent un peu les mêmes. Du départ, c'est-à-dire qu'on continue notre travail sur les films d'entreprise au niveau national. Moi, j'ai des projets télé que je voudrais mettre en place. Et puis, j'ai un gros projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un documentaire sur le déclin de la forêt vosgienne. Parce que comme je suis je me balade beaucoup un peu partout. Je vois les épicéas qui s'éteignent de plus en plus, touchés par le scolyte, mais le réchauffement climatique. Donc, je prépare un beau projet de documentaire sur ce sujet. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps. Et puis on va mettre en place de la fiction, d'autres projets de documentaires et de magazines. On va voir. Non, on se tient informé. Mais avec grand plaisir. Vous serez côté producteur ou réalisateur pour le documentaire? Alors j'aimerais réaliser certaines choses parce qu'il y a des choses que j'aimerais vraiment transmettre avec ce que moi je ressens, ce que je vois. Oui. Mais sinon, oui, la plupart du temps, ce sera aussi producteur. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas une espèce de frustration? Frustration, je dirais pas ça, mais envie en tout cas. C'est vrai que moi, j'avais un peu peur de ne pas pouvoir faire le de garder mon rôle de producteur et d'être peut-être trop intrusif sur la réal, mais pas du tout. Et puis de toute façon, on avait une assistante réal, comme je disais, Rose, que je salue aussi, qui était le chef d'orchestre de tout ça, qui mettait tout le monde à sa place, mais de façon très, très gentille, hein, mais qui menait la barque d'une main de maître, donc il n'y a pas eu de soucis. Il en faut. Ah oui. Il en faut. Ah, puis sans elle, ça n'aurait pas été possible, je pense. Bah voilà. Cette émission, elle sera podcastée dès demain sur notre profil et notre page Facebook. Elle sera également rediffusée, eh bien, jeudi à midi. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que je peux glisser encore un tout petit mot? Bien entendu. Je voulais remercier nommément toute l'équipe quand même, parce que ça me tient vraiment à cœur. Vincent, Karl, Dorian, Camille, Michel, ça y est, je les oublie, François, Barbara, Aurore, enfin tous les comédiens que j'ai cités tout à l'heure. Et je leur dis un grand merci, un grand bravo, et j'ai hâte de les revoir au mois de juin. Mais nous, on a hâte de voir le résultat. Ben, moi aussi. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite? De jolis films. Bah voilà, bah de voilà. Jolis films. Merci encore mille fois d'être venu aujourd'hui merci dans Lia, nos studios. Merci à vous. Et plein de belles choses pour la suite, auditeur. Eh bien, je t'embrasse. Hein. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Prends bien soin de toi et des autres. Je te retrouve exceptionnellement à la fin de cette semaine, vendredi, en direct à midi avec la compagnie de danse temporaire. Je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Gemozo. Allez, kiss. I'm